Chapitre 7e. L'éléphant blanc. Priant, pleurant, tremblant, ivre de contentement, Tungouk s'avança respectueusement vers le pachyderme et se prosterna, à quelques pas de lui, la face contre terre, en l'appelant grand, lumineux, saint, divin, en le conjurant de vouloir bien se rendre en sa compagnie à Bangkok, où des honneurs dignes de sa personne sacrée lui seraient rendus, où il mènerait l'existence royale à laquelle il avait droit. L'éléphant ne bougea pas, ne parut faire aucune attention à l'Indien, et poussa un gémissement plus aigu que le précédent. Évidemment, il souffrait, et tellement que Tungouk passa incontinent en le regardant, de la joie à la douleur, de l'espoir le plus vif à l'appréhension, à la crainte. S'il n'avait trouvé qu'un moribond, découvert le seigneur éléphant blanc que pour assister à ses derniers moments et jeter des rameaux frais sur son cadavre, cette pensée lui donna une inquiétude qui le pétrifia devant le sacro-saint animal. À genoux, les mains jointes, les yeux écarquillés, il examina anxieusement celui-ci. Le malheureux pachyderme était mal accommodé, fiévreux, galeux, incapable de se mouvoir, torturé par les rayons brûlants du soleil qui tombaient sur sa tête, sur les plaies de son dos, il agonisait, en dépit de la blancheur de lait doucement rosée de sa peau. Aveuglé par l'ignorance et la superstition, ainsi que la plupart de ses compatriotes, Tungouk ne se doutait pas et n'aurait pas voulu admettre que l'éléphant vénéré fût une variété albine de l'éléphant ordinaire, un infirme, un albinos, et non un personnage supérieur tenant le milieu entre le héros et le dieu. Pourtant, ce gros fétiche hindou n'est pas autre chose qu'un simple éléphant, né albinos par suite d'une révolution éprouvée par sa mère avant la parturition, ou devenu albinos sous l'influence d'une affection débilitante que de savants médecins ont assimilé à l'alphos ou lèpre blanche. Celui que Tungouk avait devant lui n'était pas un albinos de naissance, c'était un albinos par maladie, et c'est pourquoi il souffrait tant. Sa peau désorganisée, couverte d'éruptions dartreuses, était sillonnée de crevasses en suppuration. Ses yeux rouges, pleureurs, ne pouvaient supporter l'éclat du jour. Il gémissait lamentablement, accablé sous le poids de ses douleurs et de son incurable infirmité. « Ô Seigneur, Seigneur, ô grande lumière !» pleura l'Indien en le voyant ainsi. Puis, se redressant et allant couper un arbre, une branche garnie de feuilles, il revint éventer le divin malade. L'éléphant que les insectes piquaient grogna de satisfaction sans ouvrir les yeux, sans faire un mouvement. L'Indien chercha autour de lui de l'eau, aperçut à une trentaine de mètres une mare formée par de récentes pluies et y courut. Quelques larges feuilles de palmier talapate, dont il forma un cornet, lui permirent d'y puiser. Un instant après, il versait pieusement le contenu de ce vase improvisé sous les plaies les plus enflammées du pachyderme, qui en éprouva incontinent du soulagement, ses clignements d'yeux l'indiquèrent. Tungouk retourna à la mare une fois, deux fois, cent fois, jusqu'à ce qu'il eût complètement baigné l'éléphant, auquel il présenta ensuite à boire dans un cornet, fait exprès et rempli d'une eau plus pure, puisée dans un autre réservoir naturel. Le malade aspira péniblement le liquide avec sa trompe et le rejeta dans sa gueule. L'Indien continua ses aspersions, ses lotions, tant qu'il vit qu'elles produisaient de l'effet. Quand il laissait ça, ce fut pour recueillir des herbes tendres, des fruits qu'il déposa comme une offrande à la portée du saint animal. Le jour déclinait. Bientôt il disparut pour faire place à une tiède soirée au début de laquelle l'éléphant se ranima. Les albinos sont généralement myopes. Ceux qui ont les yeux rouges supportent difficilement l'éclat d'une vive lumière et voient mieux, non pas la nuit, mais durant le crépuscule du soir ou du matin, que le jour. L'éléphant leva faiblement ses paupières, lorsque le soleil ne l'offusqua plus, et caressa amicalement l'Indien avec sa trompe pour lui témoigner sa reconnaissance. Remué par ces marques touchantes, Tungouk ramassa quelques fruits, cueillit des népenthes distillatoria, plante dont les feuilles se terminent par une petite urne surmontée d'un couvercle qui contient une eau limpide d'un goût délicieux, et s'installa auprès du pachyderme pour le veiller, le panser, en jurant que s'il mourait, il se tuerait sur son corps. L'éléphant, dont les douleurs s'étaient calmées, mangea une partie des provisions entassées près de lui, et moins fiévreux, s'endormit dans les joues en remerciant du regard son ami, son gardien, qui au milieu de la nuit s'assoupit aussi. À l'aube, homme et bête s'éveillèrent, dominés par la même pensée, celle de quitter les jungles, où le soleil était funeste, et de se retirer sous bois, à proximité d'un lac, d'une rivière ou d'une source. L'Indien encouragea de la voix et du geste le pachyderme à se lever. Ce dernier fit un effort, se dressa sur ses jambes tremblantes en s'aidant de ses défenses et de sa trompe, et suivit docilement Tungug. Après 3 heures de marche, l'Indien, ayant trouvé un endroit propice, tapissé d'herbes, planté de cocotiers, de palmiers, arrosé par une source qui sortait d'un rocher, s'y arrêta. L'éléphant se coucha 2 pas de l'eau et parut prier son compagnon de recommencer les lotions de la veille. L'Indien comprit, entra dans le lit de la source et, avec ses 2 mains réunies, aspergea le malade, dont il nettoya minutieusement ensuite les crevasses du dos. L'éléphant soupira de plaisir et lécha son bienfaiteur avec sa trompe. « Oh !» murmura celui-ci, attendri et l'âme en perplexité. « Si je parvenais à le sauver !» La journée fut relativement bonne. L'éléphant reposa, s'apaisa, sans doute parce qu'il n'était plus exposé aux rayons du soleil, et nul ne va le troubler dans sa retraite, ni bête sauvage, ni moustique. Le lendemain, il se leva, chercha lui-même sa nourriture, et comme l'Indien, qui glanait aussi sa vie sur les arbres, ne parvenait pas à atteindre aux branches chargées de fruits qu'il convoitait, le pachyderme cassa ses branches avec sa trompe et les lui offrit. Tungug pleura en voyant le seigneur éléphant blanc lui donner des preuves si convaincantes de son estime, de son affection. « Oh, Ma !» soupira-t-il, « chère Ma, si Bouddha daigne achever l'œuvre de protection qu'il a si généreusement commencée, nul hindou n'aura jamais été aussi favorisé par lui que Tungug, la poussière de vos pieds. » Ce cri du cœur, à n'envisager les choses qu'au point de vue pratique de l'intérêt et en laissant de côté la fille du roi, n'avait rien d'exagéré. Pour un souverain indien, il n'est rien de plus précieux qu'un éléphant albinos, et celui qui a la fortune de se procurer ce trésor ne manque pas de mettre au nombre de ses qualificatifs pompeux le titre de possesseur de l'éléphant blanc. « Tout ce que la magnificence asiatique a de plus éclatant, dit le chevalier Armand, dans son histoire militaire des éléphants, est prodigue pour le service de cet être vénéré. Des ministres et des officiers d'un rang élevé veillent à tous ses besoins. L'or, les perles, les pierreries brillent sur ses harnais, et il ne se montre jamais en public sans être précédé par une musique choisie et escorté d'une garde d'honneur. L'histoire fait mention de guerres acharnées qui ont eu lieu entre les princes de l'Inde transgangétique pour la possession d'un éléphant blanc, et dans ces querelles, dont le sujet nous paraît si futile, on a vu des rois perdre le trône et la vie, et de vastes contrées être mises à feu et à sang. En rentrant à Bangkok avec un éléphant entièrement blanc et de plus, rendu doux comme un mouton, au moment où la cour de Siam pleurait la perte de son dernier éléphant albinos et en réclamait un autre à tous les échos, Tungug devait nécessairement être comblé d'honneur, de richesse, et devenir le premier personnage du royaume après le roi, sans préjudice des récompenses promises aux découvreurs du saint animal. Une semaine s'écoula. L'éléphant blanc recouvrait ses forces, ses plaies se séchaient. Le régime que l'Indien lui faisait suivre, ses soins qu'il ne cessait de lui prodiguer, lui rendaient petit à petit la santé. Le moment approchait où il allait se retrouver dans des conditions normales. Sa reconnaissance envers son sauveur se manifestait incessamment dans ses regards, ses mouvements, sa manière d'être. À son tour, depuis que ses crevasses se fermaient, depuis qu'il se sentait renaître, il veillait sur l'Indien et paraissait lui dire « Ne crains rien. Si quelque tigre ou quelque léopard osait t'attaquer, je te défendrai. » Le coin de forêt où ils étaient devait du reste cacher peu de carnassiers, car il n'y avait vu que des sangliers, des daims, des cerfs qui, en les apercevant, s'étaient enfuis précipitamment. Enfin, l'heure de quitter le bivouac sonna. Le pachyderme, presque guéri, et dont l'appétit revenait grand et bon, ne mangeait plus qu'une chiche pitance, tous les arbres fruitiers des environs ayant été dépouillés par lui. L'Indien ne voyait plus rien à se mettre sous la dent. Il fallut lever le camp. Un matin, l'éléphant et l'homme partirent d'un commun accord, l'un dans la seule intention de changer de demeure, l'autre dans la pensée de prendre la route de Bangkok. Après un bout de chemin, l'homme hésitant sur la direction à suivre, l'éléphant, soit que son instinct le poussa dans la bonne voie, soit qu'il connût le pays, s'agenouilla et invita son sauveur à monter sur son cou. Celui-ci, refusant par respect le saint animal, le prit avec sa trompe par le milieu du corps, le posa à califourchon entre ses deux oreilles, se releva et s'en alla, tout heureux de son fardeau. L'intimité entre l'Indien et le pachyderme était désormais absolue. La confiance réciproque, l'attachement égal des deux parts. L'éléphant, évitant les terrains découverts où le soleil l'aurait incommodé, restant sous bois pendant le jour, grappillant en route son déjeuner, son dîner, et cédant volontiers une partie de sa récolte à son ami, recherchant l'eau tant pour boire que pour se baigner et être pansé, gravissant des sentiers de chèvres sur des rochers, des montagnes, se défiant des forêts où il aurait rencontré de gros félins, montrait dans sa marche autant de prudence que de sagacité. Une après-midi, voulant traverser une rivière à la nage et un gabial de grande taille lui barrant le passage, il saisit dextrement le monstre par la queue, le lança en l'air d'un vigoureux coup de trompe et eut la satisfaction de le voir quelques secondes plus tard, par terre, cassé en deux morceaux. Une autre fois, un tigre ayant fait mine de sauter sur son dos pour enlever l'Indien, il l'éventra en l'acculant contre un bloc de granit. Plus intrépide que l'éléphant brun ordinaire, il ne redoutait aucun hôte des forêts et s'avançait sans souci des dangers des adversaires, ainsi qu'il convenait à un être privilégié dont le corps puissant servait d'habitation à l'âme de roi, de pontife ou de héros illustre. « Ah, le digne Talapoin !» disait Tungug en pensant à Chantaboun. Il m'a réellement servi dans cette affaire avec un désintéressement sans précédent. Je ne serai pas ingrat. Et dès mon installation à la cour, je m'occuperai de le faire nommer Somdet Chao ou Sankarat, prieur ou prince abbé, et je lui donnerai autant d'or qu'il en désirera. Le désintéressement de Chantaboun, on le connaît. Quant à la découverte de l'animal sacré, c'était bien involontairement que le Talapoin l'avait réservé à celui qu'il considérait comme son concurrent, son rival. En dirigeant l'Indien vers le sud, il était convaincu qu'il l'éloignait du refuge de l'éléphant. Ses informations, ses observations personnelles le lui certifiaient. Et s'il s'était radicalement trompé, c'est qu'il ne connaissait qu'imparfaitement le pays et n'avait pas prévu que le pachyderme révéré changeait d'habitation, passait d'une province dans une autre par des chemins détournés, secrets, impraticables aux hommes. Pendant que Chantaboun le relançait au nord, vers les hauteurs qui dominent le territoire d'Angkor, certain de le tenir, l'éléphant blanc, se faufilant dans un fourré, était revenu vers le sud où la chaleur et diverses autres causes l'avaient couché à demi-mort dans les jungles. D'ailleurs, le cher Talapoin ne supposait pas que Tungug pût jamais seul, sans rabatteur, s'emparer d'un éléphant blanc en liberté, le caractère farouche de ce rare fétiche étant proverbial. C'était donc avec une parfaite tranquillité d'esprit que l'excellent serviteur de Bouddha avait vu notre homme reprendre son exploration lors d'une rame sanglante des tigres. Après avoir marché vers le nord-ouest, comme s'il voulait gagner les ruines d'Angkor la Grande, l'éléphant blanc, portant allègrement son ami, suivait depuis quelque temps la direction de l'Occident, quand au milieu d'une vallée plantée de muscadiers, de girofliers, de mûriers, de cotonniers, des clameurs l'arrêtèrent. « Qu'est-ce ? » fit l'Indien en levant la tête. « Le seigneur éléphant blanc !» s'écrièrent, autour d'un éléphant brun privé, une dizaine d'individus parmi lesquels Chantaboun.